Bonjour mesdames et messieurs, chers fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de ce journal, la grande édition de ce dimanche 24 mars 2019. Tout d'abord, les titres. Plus de 90 maisons ont été détruites par des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la zone Gatsinda de la commune Mumba. Nous sommes dans la province Ngozi. Les sans-abri demandent une assistance. Deux personnes ont été tuées à Karoussi. Les mobiles de cet acte, c'est dans cette édition avec notre correspondant Blaise Pascal Kararoumié. Et Bernice Irumba a remporté la finale de l'Isanganiro Award de la 7e édition ce samedi. Cette artiste burundaise demande que les artistes burundais soient soutenus. Voilà pour les titres. Epitas Ndaishimi assure la mise en onde. Moïse Misago est à la présentation. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Encore une fois, bienvenue. Plus de 90 maisons ont été détruites et beaucoup de champs endommagés. Tel est le bilan de pluie diluvienne mêlée de grêle tombée ce samedi après-midi dans la zone Gatsinda de la commune Mumba en province Ngozi. Nous sommes au nord du pays. Emmanuel Ndaizeye, administrateur de cette commune, demande l'intervention des âmes charitables pour assister les familles touchées. Apollinaire Muzagara. Parmi les dégâts occasionnés par ces pluies diluviennes figurent des maisons d'habitation, des écoles fondamentales, le hangar servant de conservation de la récolte de la population, le bureau de la zone Gatsinda, etc. Des tôles ont été emportées par des vents violents et certaines restent introuvables et d'autres brisées par ces vents. L'administration communale a déjà enregistré au total 98 maisons détruites. Ces vents violents, mêlés de grêle ou même endommagés, beaucoup de champs de bananiers, haricots et autres sur les différentes collines de la zone Gatsinda en commune Mumba. De grosses pierres de grêle étaient toujours visibles. Ce dimanche matin, la population prêtait main forte en couvrant certaines de ses maisons là où c'est possible. L'administrateur de la commune de Mumba, Emmanuel Nachonsanze, demande la main des bienfaiteurs en octroyant à ces populations sinistrées des tôles, nourriture et autres. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Quittons Ngozi vers Karoussi où deux personnes ont été tuées ce samedi soir par des habitants de la colline Sagara en commune Mutumba. Un certain Enoch Nibigira, une des victimes, a été tuée alors qu'il venait d'assassiner une autre jeune fille une heure avant. L'administrateur communal de Mutumba confirme les faits et appelle sa population à ne pas se faire justice. Blaise Pascal Kararoumié. Un garçon du nom de Nibigira Enoch a été tué ce samedi soir par certains habitants de la population de la colline Sagara dans la commune Mutumba, province Karoussi, et il a été tué à coup de gourdin. Il a été tué par une partie de la population lorsque celui-ci venait aussi d'assassiner à coup de couteau une fille du nom de Gorette Maweni Imana sur cette même colline. Les sources sur place indiquent que ce garçon aurait tué cette fille Gorette en vue de faire disparaître une grossesse non désirée dont le garçon sera l'auteur. Ses corps sans vie ont été directement acheminé par la police la même nuit au centre de santé de la même colline de Sagara. L'administrateur communal, Tarsis Wagorikunda, confirme cette tuerie de ce samedi et demande à la population de Mutumba d'en découdre avec la justice populaire pour se fier aux instances judiciaires et à l'administration sur place dans la commune. C'est au moment où, il n'y a pas un mois, que quatre nouveaux-nés ont été retrouvés abandonnés par leur mère dans les communes de Dihogazi et Mutumba. Un étant tué et trois étaient sains et saufs. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Kararoumi. Et le projet de décret portant centre opérationnel de lutte contre le terrorisme a été analysé au Conseil des ministres tenu au cours de cette semaine. Dans un communiqué marquant l'issue de ce conseil, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il y a des Burundais qui ont été enrôlés dans des groupes terroristes qui pourraient être envoyés pour commettre des actes terroristes au Burundi. Ce cadre de lutte contre le terrorisme va donc permettre de mener des actions de prévention. Suivez Prosper. Il est porte-parole du gouvernement. Le terrorisme menace actuellement le monde et le continent africain n'est pas épargné. En effet, les groupes terroristes ayant prêté allégeance à Al-Qaïda ou à Daesh massacrent des populations innocentes. Dans notre sous-région, les pays contributeurs des troupes pour la MISOM subissent des menaces d'attaque par le groupe terroriste Al-Shabaab et certains pays ont déjà été frappés par ce mouvement à plusieurs reprises. Pour ce qui est de notre pays, des Burundais ont été enrôlés dans les rangs de ce mouvement et pourraient être envoyés sur le territoire burundais pour commettre des actes terroristes. Face à cette situation, le Burundi doit se préparer en menant des actions de prévention et être en mesure de gérer les cas d'attaque. L'administration et les corps de défense et de sécurité mènent des actions en ce sens, mais les efforts sont dispersés, les résultats restant ainsi mitigés, faute de coordination. Il est donc urgent de planifier tous les efforts, les canaliser, les coordonner, et cela par un seul organe. La création d'un centre opérationnel de lutte contre le terrorisme est proposée pour répondre à ce souci. Ce centre regroupera les représentants de toutes les structures qui ont un rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence l'administration, les forces de défense et de sécurité, les ministères techniques et la société civile. Ce centre collaborera avec le centre régional de lutte contre le terrorisme qui a été mis en place par la communauté est-africaine. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h03 dans les studios de la radio Sanganiro, poursuivons cette édition par la page culture. Bernice Irumba, surnommée Bernice de Belle, et depuis ce samedi, la championne de la compétition musicale d'Isanganiro Award 7e édition. Cette artiste burundaise se dit ravie de cette victoire et plaide pour le soutien aux artistes. Le directeur de la radio Isanganiro, la radio organisatrice de cet événement culturel, précise que cette activité s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture burundaise. Le point avec Désiré Ukeneza. Iwachu, la chanson de l'artiste Bernice Irumba, qui a été primée parmi 10 chansons qui étaient en lice dans cette compétition. C'est une chanson qui vante le Burundi. Bernice se dit satisfaite du pas franchi dans la musique burundaise. Elle indique que c'est un honneur pour elle et pour le Burundi. Irumba demande que les artistes burundais soient soutenus dans leurs œuvres. Je suis heureuse et je me sens très honorée par la radio Isanganiro, même tout le pays. Je tiens à les remercier aussi. J'aimerais qu'ils continuent à aider les artistes burundais, aussi à soutenir la musique burundaise. Un mot pour les autres qui n'ont pas gagné. C'est juste pour les dire de continuer à s'aider mutuellement, parce que si j'ai pu gagner Isanganiro Award, ils ont gagné d'autres compétitions. Parmi les critères de choix figure le message que véhicule la chanson, indique Silver Nakarutimana, directeur de la radio Isanganiro. Les critères que nous considérons aujourd'hui, c'est que nous partons de la façon dont la chanson est construite, de la technicité, de la production, du message qui est lancé à travers une chanson. Nous nous basons sur des choses professionnelles qui peuvent être vérifiées par tout public pour montrer que notre choix doit être crédible. Nous n'influençons en rien le public, nous n'influençons en rien le jury. Nous pensons qu'une chanson, lorsqu'elle est choisie, c'est une chanson qui mérite vraiment d'être choisie. Le directeur de la radio Isanganiro précise que cet événement culturel vise à promouvoir les activités des artistes burundais. L'importance de cette activité que nous venons d'organiser, ça entre dans notre objectif de promouvoir l'artiste burundais, promouvoir son œuvre, essayer de montrer que tout, que ce soit l'art de chanter, c'est un métier qui peut développer quelqu'un, parce que la plupart des fois, les chanteurs, les artistes sont négligés et nous pensons que les gens qui peuvent montrer leurs œuvres à partir de leur créativité, l'artiste peut devenir quelqu'un de très respectable qui peut subvenir aux besoins de la famille, à ses besoins et arriver à bon port. La compétition Isanganiro Award a commencé en 2010. La 6e édition avait été remportée par Vestine Harrison avec sa chanson Vuga, et la chanson Iwachu pour la 7e édition sera diffusée pour toute l'année. Merci Alain Désiré. Wukeneza, page sportive à présent. La position des joueurs professionnels évoluant dans les championnats étrangers est l'une des raisons qui a poussé l'équipe burundaise de football à valider pour la première fois le ticket pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Cela est dit par l'expert en matière de football, en même temps journaliste et sportif. Rachid Alfred appelle les autorités de la Fédération burundaise de football de chercher les autres joueurs évoluant à l'étranger pour que le Burundi arrive très loin dans la CAN 2019 en Égypte. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. C'est la toute première fois que notre équipe nationale atteint la phase finale. Quelles sont les stratégies qui ont été utilisées pour franchir cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations? Je ne pense pas qu'il y ait de stratégie spéciale pour atteindre cette finale de la CAN 2019. Sauf que, comme on dit en français, à chaque chose, mal est bon. Le Burundi qui est passé par des phases diverses de guerres civiles et tout ça, ça fait que le football a habité des difficultés énormes jusqu'à ce que nos jeunes joueurs ont dû émigrer chez les pays voisins pour chercher un peu le bonheur, quoi. Parce que nos équipes étaient hantées par la misère. Quand ils ont émigré dans des pays voisins ou des pays lointains, l'expérience qu'ils ont acquise chez les pays voisins ou chez les pays lointains, plus la capacité qu'ils avaient comme des bons footballeurs, parce que le Burundi est réputé avoir des bons joueurs, hein, pleins de talent. Nous avons actuellement une très bonne équipe, même si quelques-uns parmi les joueurs de l'équipe nationale commencent à vieillir, ils prennent l'âge, c'est très normal. Je suis sûr que si nos autorités sportives fassent un effort supplémentaire en sillonnant l'Europe, en cherchant tous les joueurs burundais qui sont grandis en Europe, on ira au mois de juin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis sûr que ces joueurs seront prêts à rejoindre l'équipe nationale burundaise. Et qu'est-ce qui peut être fait pour que cette sélection burundaise arrive très loin dans les championnats de la Coupe d'Afrique des Nations? L'une des choses les plus importantes est qu'on doit faire le plus vite possible, on sillonne l'Europe et on cherche les jeunes burundais qui sont prêts à se joindre à l'équipe nationale pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au mois de juin en Égypte. Rachid Alfred était au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Et des engins de pêche prohibés constitués de bateaux et de filets saisis dans le lac Tanganyika côté Karonda en commune et province Rumonge ont été détruits ce samedi à Karonda. Il s'agit des engins saisis lors d'une patrouille conjointe de la marine et du comité des pêcheurs dans le cadre de la préservation de la faune aquatique. Selon Adolphe Nguenergua, président du comité des pêcheurs de la plage de Karonda, une dizaine de moteurs récemment volés aux pêcheurs burundais n'ont pas encore été retrouvés. Et certains des agriculteurs qui conservent leurs récoltes dans le hangar de stockage en commune Nusesagure de Muyange, en commune Nyanzalak, en province Makamba, se lamentent de la pourriture de leurs récoltes. Ces agriculteurs disent être reconnaissants de l'importance des hangars de stockage où ils demandent aux responsables de régler ce défi. Le trésorier de ce hangar indique que ce défi serait causé par la méconnaissance de l'usage des moyens de conservation. Et pour clore cette édition, il s'observe un manque d'eau potable dans le village de paix de Gihinga en commune Kayoko de la province Mwaro. Ce problème fait que près d'un tiers seulement des maisons qui sont construites sont habitées. La population qui y vit puise d'eau à 1 km de distance. Au niveau de l'administration, l'on indique qu'il n'est pas facile d'y amener de l'eau parce que c'est sur une montagne. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Epitas Ndaishimiye. Moïse Misago vous l'a présenté. Je dis au revoir.